C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. Il connaît un bon début de saison avec les Saguenay de Chicoutimi. Une bonne saison, c'est Samuel Aude, le cinquième choix repêchage du Canadien de Montréal en 2018. Je voulais lui parler pour savoir un peu comment qu'est-ce qui a fait le déclic. On lui parle. Salut Samuel. Salut, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Samuel, tu connais une très très bonne saison avec les Sags cette année. Qu'est-ce qui a fait le déclic cette année? Je pense le fait, comme j'ai dit dans les entrevues auparavant, vraiment, je suis arrivé avec une attitude différente. Puis, je savais que je m'avais peut-être mis de la pression sans le vouloir avec le fait d'être repêché par le Canadien. Puis, c'est sûr que cette année, ça va bien. J'essaie de continuer là-dessus. Puis, vraiment, tu sais, je veux pas aussi la maturité physiquement. Ça fait une différence aussi. Oui. Est-ce que le fait, parce que c'est une année importante pour toi, si tu signes pas de contrat avec les Saguenay, avec le Canadien, je pense que tu retournes dans le repêchage hein, cette année, si je ne m'abuse. Est-ce que ça aussi, tu t'es mis une pression, tu t'es mis des objectifs là-dessus? C'est sûr que j'ai des objectifs là-dessus. J'essaie de pas mettre pression avec ça, mais vraiment, c'est mon objectif premier en ce moment là, de d'être un contrat. OK. Est-ce que le Canadien t'a parlé depuis le début de la saison? Est-ce que tu parles au Canadien? Non, tu sais, il me laisse jouer, puis tu sais, les fois qu'il me voit, il dit de continuer de travailler fort comme ça, mais tu sais, j'essaie pas de pousser pour avoir un contrôle, je laisse vraiment les choses aller. OK, donc, du côté de l'équipe maintenant, c'est une très très bonne année, on sait que les attentes étaient très hautes, vous êtes régulièrement dans le top 10 de Ligue canadienne de hockey. En fin de semaine, vous avez battu Sherbrooke, un gros adversaire, le Phoenix, et facilement. Est-ce que ça aussi, c'était une motivation de battre le Phoenix? C'est sûr, tu sais, on savait que c'était une très bonne équipe, puis nous aussi, fait qu'on voulait prouver, on pouvait compétitionner avec eux autres, puis je pense qu'on l'a très bien démontré, là, c'est vraiment, on a joué un très bon match de hockey, puis c'était vraiment, on a perçu ça comme un challenge, puis on l'a très bien relevé. Est-ce que tu t'attends à beaucoup de changements du côté des Saguenayens, au fait, pour monter l'équipe encore? C'est sûr qu'il va y avoir des changements, toutes les gars, on s'attend à ça, on veut être une équipe qui va aspirer pour les grands honneurs, fait que vraiment, il va falloir aller chercher de la profondeur, puis des joueurs qui vont pouvoir venir nous aider, là. OK. Est-ce que vous sentez une pression à travers l'équipe? C'est sûr qu'il y a de la compétition interne, mais je pense que c'est ça qui fait que en ce moment, on compétitionne très bien sur la glace, puis vraiment, les joueurs veulent garder leur place dans l'alignement, fait qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Là. OK. Samuel, on va te souhaiter la meilleure des chances. Tu connais une très, très bonne saison avec les Sags. Bravo, puis au plaisir de se reparler. Parfait, merci beaucoup. L'attaquant des Saguenay de Chicoutimi, Samuel Aude.